السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، auditeurs et auditrices qui nous suivez sur la chaîne officielle du Marquez de l'Imam al-Shafi'i, dirigé par notre noble cher, le cher Abul Harith Ahmed ibn Suleyman Baadoukhoun hafadahullah ta'ala. Le sujet de l'allocution de ce soir, qui se veut être une traduction approximative et résumée des propos de notre noble cher, dans la conférence qu'il a donnée il y a de cela moins d'une heure, hafadahullah ta'ala, à propos des causes permettant de bénéficier du Coran. Et il a mentionné, hafadahullah ta'ala, que ce sujet était important, c'est un sujet dont nous avons tous besoin. Et il mentionna le verset de Surat al-Dhariyat, le verset numéro 55, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens du verset en français, « Et rappelle, car certes le rappel est bénéfique aux croyants. » Et il a mentionné, hafadahullah ta'ala, que donc les croyants, si le rappel leur est fait, ils en tirent bénéfice, ils en bénéficient. Et également, on tire de ce verset le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le rappel à ses compagnons. Et cet ordre s'applique au reste de sa communauté. Et tout musulman, tout croyant, est dans le besoin qu'on lui fasse le rappel. Surtout avec toutes ces distractions et ces éléments qui nous détournent et qui nous parviennent jour et nuit. Donc le musulman ne peut pas se passer du fait qu'on lui fasse le rappel. Et le cheikh a ensuite mentionné le verset 9 et 10 de Surat Al-A'la, dont la traduction approximative du sens est le suivant. Et rappelle là où le rappel sera utile celui, c'est-à-dire celui qui en bénéficiera. Donc rappelle là où le rappel sera utile celui qui, par la permission d'Allah, en bénéficiera et se détournera le grand malheureux. Et donc, celui qui craint Allah en bénéficiera. Et c'est celui qui se rappelle qui en tire profit. Et il est important de se remémorer les moyens, de mentionner les moyens, les causes, les voies par lesquelles on tire bénéfice du Coran quant à ses exhortations. Car le Coran est une des plus grandes causes de guidance des cœurs et de réforme des âmes. Par le Coran, la foi augmente, la guidance augmente. Nous augmentons en fermeté, en enracinement dans notre religiosité. Nous augmentons en droiture. Et Allah a décrit le Coran à de multiples reprises au sein de son livre. Ceci indique son grand impact et son grand effet positif, sa grande utilité pour celui qui y cherche la guidance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, a fait part d'une parabole concernant le Coran et sa révélation sur une si sa révélation avait été faite sur une montagne, c'est-à-dire le verset 21 de Surat al-Hashr, dont le sens en français est le suivant: si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier, se fendre par crainte d'Allah. Et ce sont des paraboles que nous citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Donc afin qu'ils réfléchissent. Et donc le cheikh a expliqué que donc si ce Coran avait été révélé sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier, se fendre de par la crainte d'Allah. Et donc ce verset-là, nous le lisons tous et nous l'entendons être récité. Et il contient une parabole grandiose. Et un exemple clair, clarifiant le grand impact du Coran et son grand effet bénéfique. Et donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala informe que si ce Coran avait été un propos adressé à la montagne, elle en aurait été affectée, au point que tu l'aurais vu s'humilier et se fendre de par la crainte d'Allah. Alors, qu'en est-il de l'impact du Coran sur le cœur du croyant qui lit en croyant en ce Coran? Lorsqu'il le lit, quel impact cela aura sur son cœur si le cœur est focalisé sur ce qu'il fait, c'est-à-dire la lecture et la consultation du Coran, et qu'il n'est pas distrait? Si le Coran a eu cet effet comme mentionné dans le verset sur la montagne, il aurait eu cet effet sur la montagne comme mentionné, alors son effet en serait d'autant plus grand sur le croyant. Et donc le croyant est affecté par le Coran, et le Coran a eu des effets sur les cœurs des mécréants, des polythéistes, des pécheurs et des libertins. En effet, il fut la cause de la guidance de mécréants qui sont, par la grâce d'Allah, devenus croyants, et des dévoyés sont devenus, par la grâce d'Allah, par la suite pieux, lorsqu'ils méditèrent sur le Coran. Certains même se sont convertis après l'écoute de quelques versets du Coran al-Karim. Et les Sahaba ont lu le Coran, et ceci les augmenta en foi, en rectitude, en dévotion religieuse, en foi envers Allah et envers son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Comme sont nombreux, combien sont ceux qui ont vu leur foi augmenter par la cause du Coran, par l'intermédiaire du Coran, qui ont augmenté en foi, qui ont augmenté en droiture? Combien sont ceux que le Coran a fait pleurer, dont le Coran a fait pleurer les yeux, de par ce qu'il contient? Combien de cœurs parmi les cœurs des gens pieux et dévoués à Allah ont été épris de sa crainte par la cause du Coran? Combien sont nombreux sont ceux qui sont revenus à lui, Azzawajal, de par l'intermédiaire du Coran? Le Coran est un message de la part d'Allah, adressé aux musulmans, aux croyants et aux croyantes. Et c'est un message adressé à la communauté mohammedienne, la communauté du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Les exhortations du Coran sont celles qui ont le plus d'effet sur les âmes. Ces histoires en sont les meilleures et en sont les plus bénéfiques de par ce que ces histoires contiennent comme leçons et enseignements bénéfiques. Les jugements qu'il contient sont droits et sont justes. Les informations que le Coran contient sont des informations qui sont véridiques. Et nul croyant ayant un désir envers sa lecture ne s'en lasse. Et Allah a multiplié au sein du Coran la description du Coran, montrant ainsi son caractère grandiose. Le cheikh mentionna le verset 57 de Sourate Younous, dont le sens en français est le suivant: Ô gens, une exhortation vous est venue de la part de votre Seigneur, qui est une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Et le cheikh, hafadahullah ta'ala, a expliqué que donc c'est un message, une exhortation qui s'adresse à l'insouciant. Et donc, dans ce passage du Coran al-Karim, il y a un rappel vis-à-vis de l'insouciant concernant les caractéristiques de ce Coran. C'est une exhortation qui est venue de la part de son Seigneur et qui fut décrite comme étant une guérison de ce que contiennent les poitrines. C'est-à-dire une guérison des cœurs affectés et affligés par l'insouciance, par l'hypocrisie, par les différentes ambiguïtés, par l'amour envers les choses illicites. Et c'est une guérison pour toute maladie parmi les maladies du cœur. Il mentionna également le verset de Sourate Ash-Shura, le verset numéro 52, dont le sens en français est le suivant: Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, une âme, provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Al-Ayah. Et donc le cheikh a abordé le sens de ce verset, dans lequel le Coran a été successivement décrit comme étant une âme ou un esprit, et également décrit comme étant une lumière. Concernant le fait que le Coran a été décrit par Allah subhanahu wa ta'ala comme étant une âme, le cheikh Ahmed Badoukhoun a expliqué que les savants ont expliqué que le Coran fut appelé âme par Allah subhanahu wa ta'ala, car les cœurs sans le Coran sont dénués et dépourvus de vie. C'est-à-dire que tout comme les cœurs sans le Coran sont sans vie, ils sont similaires donc aux corps qui sont dépourvus d'âme. Les corps dépourvus d'âme sont sans vie, de la même, le Coran, s'il n'est pas présent dans le cœur du serviteur, il est comme sans vie, il est comme mort. Et donc, ceci est la réalité de la mort, car les corps, lorsque l'âme quitte le corps connaît alors ce que l'on appelle la mort, car la mort est la séparation de l'âme du corps qu'elle habitait et qu'elle occupait. Donc, si le cœur est dénué du Coran et du rappel d'Allah, alors il devient comme un corps sans âme, c'est-à-dire un corps sans vie, un cadavre. Et concernant la description du Coran comme étant une lumière, c'est-à-dire qu'Allah a décrit et a fait référence au Coran comme étant une lumière, le cheikh a expliqué du fait que le Coran éclaire le chemin pour les serviteurs, le chemin menant vers Allah. Et il permet alors de distinguer la vérité du faux, le bien du mal. Et il ouvre les portes du savoir bénéfique. Puis il fit la mention, hafidhahullah ta'ala, du verset numéro 113 de sourate Taha, dont le sens en français est le suivant. Et c'est ainsi que nous avons fait descendre un Coran en langue arabe, et nous y avons multiplié les menaces afin qu'il devienne pieux ou qu'il les incite à se rappeler. Et donc, la description du Coran dans ce passage-là fut qu'il fut révélé en arabe. Et le cheikh a expliqué que ceci fut fait afin qu'il soit compris par ceux à qui il était adressé initialement, dans un premier temps, c'est-à-dire les Arabes, afin que justement ils craignent Allah pieusement et qu'ils lui obéissent. Et donc ceci afin que l'insouciant se rappelle et que craigne Allah celui qui lui était désobéissant. Ensuite, le cheikh a fait la mention par la suite du verset de sourate Al-Ankabut, le verset numéro 51, dont le sens en français est le suivant. Ne leur suffit-il donc point que nous avons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité? Il y a assurément là une miséricorde et un rappel pour des gens qui croient. Et donc, ce verset fait référence au fait que le Coran suffit aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses affaires relatives à sa religion comme ses affaires relatives à sa vie mondaine. Et il mentionna un autre verset de Sourate Al-Jathiya, le verset numéro 6, dont le sens en français est le suivant. Alors, dans quelles paroles croiront-ils après la parole d'Allah et après ses signes? Et il mentionna un autre verset de Sourate Al-Mursalat, le verset numéro 50. Et après cela, dont le sens en français est le suivant, et après cela, en quelles paroles croiront-ils donc? Le cheikh expliqua le sens de ces deux versets. C'est-à-dire que si les gens, s'ils ne croient pas en ce Coran, si ce Coran n'est pas une cause pour que leur foi n'augmente pas par ce Coran, que leur foi n'augmente pas dans ce Coran, qu'ils ne se rectifient pas quant à leur pratique religieuse de par ce Coran, s'ils ne tirent pas profit de ce Coran, alors de quoi pourront-ils tirer bénéfice? Et il mentionna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhortait ses compagnons, leur ordonnait des choses et leur interdisait des choses en leur mentionnant la révélation. Et il fit la mention du verset numéro 19 de Sourate Al-An'am, dont la partie du verset dont il fit la mention et dont le sens de la partie du verset dont il fit la mention est le suivant. Et ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix, vous et tous ceux qui l'atteindront. Et donc, ce Coran, celui à qui parviendra ce Coran, qui l'aura entendu et qui en aura compris l'essence, il aura été donc du nombre des avertis. Et c'est-à-dire que la preuve fut alors établie à son encontre. Donc, si le musulman écoute, lit le Coran et ne bénéficie pas et n'en tire pas profit, Alors, ceci n'est qu'une augmentation en argument d'Allah contre lui, Yawm al-Qiyamah, pour le jour de la résurrection. Il mentionna un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit: Le Coran est une preuve en ta faveur ou en ta défaveur. Et il expliqua le sens du hadith dans un premier temps, le début du hadith, que le Coran est une preuve qui peut être en ta faveur, c'est-à-dire si tu en as bénéficié, ceci a augmenté ta foi, ceci t'a augmenté en piété, en dévotion religieuse, en droiture et en repentance. Et il peut être en ta défaveur, c'est-à-dire si ce Coran n'a pas été une cause par laquelle tu as augmenté ta foi. Ce Coran n'a pas été une cause d'augmentation pour ta foi, ou d'augmentation dans ta piété, d'augmentation dans ta pratique religieuse, d'augmentation dans ta repentance. Alors, ce Coran sera un argument alors contre toi le jour de la résurrection. Et il mentionna qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim a blâmé ceux qui lisent le Coran et dont les cœurs ne sont pas affectés, ne sont pas pénétrés de sa crainte de par la consultation de ce Coran. Et il mentionna le verset de Sourate al-Hadid, le verset numéro 16, dont le sens en français est le suivant. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui fut descendu de la vérité, c'est-à-dire le Coran, et de ne point être similaire à ceux qui reçurent le livre avant eux, car ceux-ci trouvèrent le temps long et leur cœur s'endurcir, et beaucoup d'entre eux sont des dévoyés. Le cheikh a expliqué que le Coran, lorsque tu le lis ou tu l'écoutes, tu dois faire en sorte d'être concentré et te sentir concerné, car il t'est adressé à toi, ainsi qu'aux musulmans et aux musulmanes, et il est même adressé aux koufars. Et il faut sans cesse se remettre en question et méditer sur cette exhortation, c'est-à-dire cette exhortation qui est dans ce verset. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui fait partie des premiers musulmans à être rentrés dans l'islam, rapporta que 4 années étaient passées lorsque ce verset fut alors révélé. Et donc, ce verset-là, il convient que le musulman le répète, le médite, car ce verset est une exhortation afin que nous ne devions pas des gens similaires à la communauté des gens du livre, qui furent décrits comme ayant passer un long temps dans l'insouciance et le détournement, et alors ils furent atteints par la dureté du cœur. Médite sur cela, il faut que l'on médite sur cela afin que nous ne soyons pas comme les gens du livre dans notre attitude vis-à-vis de la révélation d'Allah, car nous risquerions alors d'être pris comme eux par l'insouciance et la dureté du cœur. Et il mentionna ensuite le verset de Sourate Al-Baqarah, le verset numéro 74, dont le sens de la partie du verset dont il fit la mention est le suivant. Puis en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis. Ils sont devenus comme des pierres ou même plus durs encore. Donc il nous incombe de faire les causes afin de bénéficier du Coran, afin de ne pas être affecté par la dureté du cœur. Et parmi les causes que le cheikh mentionna, parmi les causes qui permettent de bénéficier du Coran, le fait que on doit ressentir en nous-mêmes que le Coran est un message qui nous est adressé, c'est-à-dire que tu te sentes concerné par ce qu'il contient, le fait que tu crois que c'est la parole d'Allah, que c'est la parole d'Allah haqiqatan, que c'est véritablement le propos tenu par Allah en tant que lettre et en tant que son venant d'Allah, et que c'est une révélation venant d'Allah qui fut transmise à Djibril, à l'ange Gabriel, qu'il a lui-même transmise cette révélation au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur une période de 23 années, au fur et à mesure des événements. Et ceci fut une cause, c'est-à-dire le morcellement du Coran en termes de révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fut une cause de son enracinement au sein du cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh, hafidhahullah ta'ala, a mentionné que le Coran, lorsqu'Allah a voulu faire révélation au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de ce Coran, il protégea les cieux des djinns qui espéraient épier les informations célestes. Et donc le cheikh a fait la mention du verset de Sourate al-Djinn, le verset numéro 9, dont le sens en français est le suivant. Nous y prenions place pour écouter, mais quiconque prête l'oreille à présent trouve alors un projectile aux aguets. Et le cheikh Ahmed Badoukhoun a expliqué ce verset de Sourate al-Djinn, verset numéro 9, concernant le fait que le ciel était devenu donc protégé, empêchant les djinns de pouvoir épier et espionner les informations célestes. Le cheikh a expliqué que les djinns furent étonnés de ce changement au niveau des cieux. Ils se sont demandé qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cela? Et donc ils parcoururent la terre de long en large. Et ils arrivèrent alors à la Mecque et rencontrèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils virent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils surent alors quelle fut la cause du changement dans les cieux. Et donc, cette protection du ciel fut une protection pour le Coran afin qu'il ne soit pas, il y en ait un message qui serait affecté par les devins qui essayent, par l'intermédiaire des djinns, d'obtenir des informations célestes. Et un groupe parmi les djinns écoutèrent le Coran. Et il y a eu même une occasion dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa la nuit avec un groupe d'entre eux, durant lequel il passa une nuit entière avec eux, en leur compagnie, leur récitant le Coran. Et concernant cet événement, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu dit: Nous eûmes peur pour lui, nous avons craint le concernant et nous avons cru qu'il ne nous reviendrait pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un messager qui fut envoyé à l'attention de l'humanité tout entière, des êtres humains, mais des djinns également. Et à cet effet, il mentionna des versets concernant l'écoute des djinns du Coran. Il mentionna le verset numéro 1 de Sourate al-Djinn, dont le sens en français est le suivant. Dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille. Puis dire, nous avons certes entendu une lecture merveilleuse, c'est-à-dire du Coran. Nous avons entendu une lecture merveilleuse, yani le Coran. Il mentionne un autre verset, un passage du Coran, le verset numéro. Le verset de Sourate Al-Ahqaf, le verset numéro 29, 30 et 31. Dans lequel Allah a dit, selon le sens en français de ce passage du Coran, lorsque nous dirigeâmes vers toi une troupe, un groupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran, et quand ils assistèrent à sa lecture, ils dirent alors, écoutez attentivement. Puis quand ceci fut terminé, ils retournèrent à leur peuple, alors en avertisseur, et ils dirent, ô notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moïse, confirmant ce qui l'a précédé. Il guide vers la vérité et vers un chemin droit. Vers un chemin droit, excusez-moi. Ô notre peuple, répondez à celui qui appelle à Allah et croyant en lui, alors Allah vous pardonnera une partie de vos péchés et vous protégera contre un châtiment douloureux. Et donc, les djinns ont donc écouté avec attention. Et ils y crurent, c'est-à-dire en ce Coran et en ce qu'il contient. Et ils y prêtèrent foi. Et ils crurent donc que ce message vient de la part d'Allah. Ce Coran est un message d'Allah envers tout musulman. Il contient des jugements grandioses et justes, des informations véridiques, des exhortations émouvantes et impactantes. Et dedans, c'est-à-dire dans le Coran, se trouve ce que les gens s'y trouvent, ce dont les gens ont besoin concernant leur vie religieuse comme leur vie mondaine. Et donc parmi les causes permettant de bénéficier du Coran al-Karim, le fait d'avoir une écoute attentive, une méditation sans distraction du Coran. Le cheikh mentionna le verset numéro 37 de Sourate Al-Qaf, de Sourate Qaf, plutôt, dans lequel Allah a dit, selon le sens du verset en français, il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur, prête l'oreille tout en étant témoin. Et il mentionna que ce passage du Coran fait suite à une exhortation dans laquelle Allah fit la mention d'éléments très importants. Et suite à cela, mentionna ce passage dont la traduction approximative des sens vous a été faite. C'est-à-dire il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur, prête l'oreille tout en étant témoin. Il a expliqué ce passage en disant, c'est-à-dire un cœur vivant et qui prête l'oreille, c'est-à-dire qui est attentif. Car celui qui lit le Coran de manière inattentive est récompensé pour sa lecture, mais ne bénéficiera pas correctement de l'exhortation que le Coran contient. Et le cheikh a mentionné le verset 78 de Sourate Al-Baqarah, dans lequel Allah a fait référence à des gens parmi ceux qui ont précédé, en les décrivant comme des illettrés, c'est-à-dire le sens du verset mentionne, et il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre, si ce n'est hormis des prétentions, ils ne font que des conjectures. Et le cheikh a expliqué ce passage-là en expliquant que Allah les a appelés Ummiyoun, c'est-à-dire des gens illettrés. Et à la base, ces gens-là n'étaient pas illettrés, mais ils lisaient sans méditation des textes de la révélation. Donc ils étaient similaires à celui qui ne sait pas lire. Et le passage du verset mentionnant Illal Amani, que j'ai traduit comme hormis des prétentions, c'est-à-dire qu'au final, ils ne font qu'une lecture sans méditation. Ils ne font qu'une lecture sans méditation. Et l'imam Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, a abordé le sujet de la méditation du Coran dans son livre Zadul Ma'ad. Et donc, dans ce passage du livre, Cheikh Al-Islam Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, aborda quel était le meilleur entre lire beaucoup le Coran mais sans méditation ou de lire le Coran peu mais avec méditation. Et il compara donc la lecture avec méditation comme étant un acte similaire au fait de donner de l'aumône, de l'or en aumône. Et le fait de lire beaucoup mais sans méditer, comme le fait de faire une abondance d'aumône mais de quelque chose qui a une valeur qui était moindre. Donc, un des deux actes a une récompense grandiose, tandis que l'autre a une récompense plus abondante. Et donc, le cheikh Hafidhahullah Ta'ala a mentionné que parmi les causes permettant de bénéficier du Coran, la repentance, le fait de revenir repentant vers Allah subhanahu wa ta'ala, d'implorer son pardon et de ne pas persister sur le péché. En effet, il mentionna qu'il se peut qu'une personne soit privée, se voit privée du fait de bénéficier du Coran de par l'accomplissement d'un péché dont il ne s'est pas repenti. Et il mentionna que le Coran est un livre de guidance pour les cœurs purs. Et donc le cœur qui est constant et persistant et obstiné dans l'accomplissement du péché peut se voir punir, se voir châtié par Allah subhanahu wa ta'ala par le fait de ne pas pouvoir bénéficier du Coran. Et il mentionna le verset de Sourate Al-An'am, le verset numéro 110, dont le sens en français est le suivant: du fait qu'ils n'ont pas cru la première fois, nous détournerons leur cœur et leurs yeux, et nous les laisserons marcher aveuglément dans leur rébellion. Le cheikh a expliqué ce passage concernant le fait que Allah a mentionné, nous détournerons leur cœur et leurs yeux, c'est-à-dire nous détournerons leur cœur et leurs yeux de la révélation. Et donc ça, c'est parmi les plus grandes causes menant au châtiment. Le fait que le serviteur ne soit pas apaisé, le fait que le serviteur soit châtié par le fait de ne pas être apaisé lors de la lecture du Coran, lors de la méditation du Coran, que lorsqu'il cherche à méditer sur le Coran, son cœur n'arrive pas à se focaliser, à se concentrer sur ce qu'il fait. Et lorsqu'il essaie d'avoir un cœur plein d'humilité et de crainte vis-à-vis d'Allah, il n'y arrive pas. Donc on se doit de se remettre en question. Le serviteur qui observe cela de sa propre personne se doit de se remettre en question, qu'il regrette, se repente, se rectifie et se réforme, qu'il revivifie son engagement vis-à-vis d'Allah, qu'il rectifie sa dévotion religieuse, qu'il médite et observe concernant ses actes, ses œuvres, et qu'il se repente et se réforme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith, le repenti, c'est-à-dire celui qui s'est repenti d'un péché, est similaire à celui qui n'a aucun péché. Donc nous nous devons impérativement d'être diligents et d'avoir de l'engouement et de faire des efforts vis-à-vis du fait de concrétiser les causes, de mettre en place les moyens et les procédés qui nous permettront de bénéficier du Coran, afin que nous ne devenions pas des gens qui sont insouciants, distants du livre d'Allah, surtout avec les multiples préoccupations et détournements que contient cette dunya. Et donc, si une personne ne craint pas suffisamment Allah et ne gère pas son temps avec minutie et avec ingéniosité et ne consacre pas de son temps au rappel d'Allah, alors il se peut qu'il soit atteint par l'insouciance et la dureté du cœur, de la même manière que ceci fut le cas des gens parmi les gens de la communauté des gens du livre. Donc il faut impérativement que la personne gère son temps et ait une portion quotidienne de lecture du Coran, dans laquelle il y a une portion qu'il estime lui-même, qui lui est aisée de lire. Et parmi les causes permettant de bénéficier de la lecture du Coran, le fait d'être diligent vis-à-vis du fait de comprendre le Coran. C'est-à-dire que lorsque nous passons sur un passage dans un passage dans lequel le sens du verset n'est pas clair ou un terme ne nous est pas facile à comprendre, alors, il convient de revenir aux livres d'exégèse, les livres des exégètes, des experts dans l'explication et la clarification des sens du Coran, dans lesquels ils ont clarifié les sens des versets du Coran, et donc nous nous y référons comme le tafsir de Cheikh Saadi que le cher mentionna en guise d'exemple, parmi les livres d'exégèse de référence dans le domaine. Et le cher fit la conclusion par quelques invocations. Et donc, sur ceci, nous finissons donc notre modeste traduction approximative et résumée des propos de notre noble cher, le cher Ahmed ibn Suleyman Baadoukhoun, hafidhahullah ta'ala. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de parvenir au mois du Coran, le mois de Ramadan, de pouvoir le vivre, de pouvoir y prier et lire le Coran et pouvoir y jeûner avec sincérité et conformité. Et qu'Allah préserve le cher sur le khair et lui accorde ce qu'il y a de meilleur dans cette dunya ainsi que dans l'au-delà. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.